Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana Mungu amibariki nini wote. Je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Na salimia kila mmoja wenu mujina ya Bwana Yesu Kristo. En même temps, nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Tunasalimia pia banduku na badada benye kutufuata ku mtandao. Comme l'ancien a présenté la sœur Yolande. Paka vile mzee alimuonesha dada Yolande. La sœur Yolande n'est pas une visiteuse. Dada Yolande ana mukeni hapana. Elle est membre de cette église. Yeye ni memba wa hii kanisa. Un dimanche comme celui-ci. Musiku ya yenga sawa hii. Soyez gentil de l'inviter chez vous. Muwe na moyo mwema ya kumukaribisha nyumbani kwenu. Vous la cherchez à la sortie. Mumutafute pa kutoka. Vous l'amenez chez vous pour lui donner un verre d'eau. Mumupeleke kwenu ili mupate kumpatia kopo ya mai. Parce qu'elle doit connaître vos maisons. Jua anapashi ajue manyumba yenu. Et elle doit être dans notre communion. Na anapashi kupatikana katika ushirika yetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Et pour la prière. Na juu ya maombi. Romains au chapitre 9. Warumi sura yake ya kenda. Romains au chapitre 9. Warumi sura yake ya tisa. Nous commençons au verset 6. Tutaanzia mstari ya sita. Nous irons aujourd'hui jusqu'au verset 13. Tutafika na mstari ya 13. Père céleste. Baba aliye juu mbinguni. Merci pour ce matin que tu nous as donné. Asanti juu ya asubuhi unatupatia. Merci pour mes frères et mes sœurs. Asanti juu ya banduku na badada. Que tu as donné le souffle de vie. Bale ulipatia pumzi ya buzima. A qui tu as donné la force. Bale ulipatia nguvu. Pour qu'il soit ici. Juu wapate kufika hapa. Afin de recevoir une portion de ta parole. Ili wapoke sehemu ya neno lako. Seigneur, ta présence nous fera du bien. Bwana, uwepo wako itatufurahisha. Nous t'invitons, Seigneur. Tunakualika Bwana. Parce que selon ta promesse. Juu kufuatana na malako yako. Tu nous as promis de venir au milieu de nous. Ulitulaka ukuje katikati yetu. Et de nous bénir. Na upate kutubariki. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Utunyanyule pali pambingu ndani ya Yesu Kristo. Toi qui connais nos problèmes. We mwenye kujua mahitaji yetu. À notre foi. Imani yetu. Nous croyons que tu es notre solution. Tunaamini ya kwamba we ndio jibu yetu. Merci Père. Asante Baba. La parole sera lue. Ubariki neno itasomewa. Mais nous avons besoin de ton esprit. Alakini tunahitaji roho yako. Pour nous conduire en toutes choses. Jua kutongoza maneno yote. Du début à la fin soit honoré. Mwanzo na mwisho uheshimiwe. Que les âmes soient sauvées. Manafsi pate kuokolewa. Que les malades soient guéris. Bagonjwa bapate kutunzwa. Que ceux qui sont tristes. Benye kona uzuni. Soient consolés. Bafarijiwe. Ceux qui sont troublés, que tu ramènes la paix dans leur cœur. Merci Père. Asante Bwana. Te prions. Tunakuomba. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Amen. Amina. Romains au chapitre 9. Warumi sura yake ya 9. Verset 6. Msari ya 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Aina ya kusema ya kwamba neno la Mungu ibakie bila kuwa na matokeo. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Kwani bote bakutokea mu Israeli abana batoto ya Israeli. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham. Ata vile ni uzao ya Ibrahim. Ils ne sont pas tous ses enfants. Bote abana batoto yake. Mais il est dit. Alakini nasemewa. En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Ndani ya Isaka utakuwa na uzao yenye kuitwa mujina lako. C'est-à-dire, manaki, que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Manaki aina batoto ya mwili njo benye kwa batoto ya Mungu. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alakini ni batoto ya malako njo banangaliwa sawa batoto uzao. Voici en effet la parole de la promesse. Tazameni basi neno ya malako. Je reviendrai à cette même époque. Tarudia kamui wakati moya moya. Et Sarah aura un fils. Na Sara atazala mtoto mwanaume. Et de plus. Na zaidi. Il en fut ainsi de Rebecca. Ilifaniwa hivi kwa Rebecca. Qui conçut seulement d'Isaac notre père. Ulale chugua mimba ya Isaka baba yetu. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Wakati ile batoto balikuwa bayazaliwa. Et qui n'avait fait ni bien ni mal. Wakati ile balikuwa bayafanya wala bizuri wala bibaya. Afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste. Ili makusudi ya kuchagua kwa Mungu ipate kudumu. Sans dépendre des œuvres. Bila kuangalia kumatendo. Et pas la seule volonté de celui qui appelle. Kupitia mapenzi ya ule peke yake kunaita. Quand il fut dit à Rebecca, wakati ilimwambiwa Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, mukubwa batamutawala kwa muloko, selon qu'il est écrit, paka vile imeandikwa, j'ai aimé Jacob, nalimpenda Yakobu, et j'ai haï Esaü, lakini namuchukia Esau. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. C'est depuis vendredi. Nitangia musiku ya kazitano. Que nous avons commencé à parler sur l'objectif de l'élection de Dieu. Tulianza kusemezea yulu ya kifukuzio kia kuchagua kwa Mungu. Pour quel motif? Ni juu ya sababu gani? Pour quelle raison? Ni juu ya sababu gani? Le Dieu du ciel en parcourant ses yeux sur toute la terre. Mungu wa kumbingu mukuangalia macho yake pa dunia mzima. Depuis l'éternité dans sa prescience, tangia mule muumilele mule mukutanguria kujua kwake, a choisi des gens, alichagua mobantu, des hommes et des femmes, banamuke na banaume, des pauvres comme des riches, bamasikini wala na batajiri, des lettrés comme des illettrés, benye kufunza masomo na bashipo kufunza, les gens qu'il a vus sur cette terre, bantu balariona papa dunia. Et ces hommes qu'il a choisis, na babato alichagua, il les a choisis pour quel motif? Alivachagua juu ya kifukuzio gani? C'est ce que nous avons commencé à parler. Njo ile tulianza kusemezea. Et nous avons dit ceci vendredi. Na musiku ya kazitano tulisema hivi. La première des choses que l'Église doit retenir est celle-ci. Kitu kia kwanza kile kanisa inapashi kushika ni iki. La première des choses. Kitu kia kwanza. Que chaque frère et chaque sœur ici présent doit retenir. Kile kila nduku na kila dada mwenye kuwa hapa anapashi kushika. Et de savoir. Ni ya kuyua ya kwamba. Que premièrement, ya kwanza, kwanza, kwanza, être élu, kuwa muteule, signifie, inamaanisha ya kwamba, c'est être destiné, ni kuwa mwenye kutanguliwa, à un service, kuchaguliwa juu ya kazi fulani, ou être destiné, wala mwenye kutanguliwa kuchaguliwa, à une tâche particulière, spéciale, juu ya kazi ya upeke fulani. Et ensuite y être consacré. Na kisha upate kujitoa kwa ile kazi. C'est ce que chacun de nous doit retenir. Jo kile kila mmoja wetu anapashi kushika. C'est ainsi que nous avons pris l'appel et l'élection d'Abraham. Jomuina muna tulichagua mwito na kuchaguliwa kwa baba yetu Ibrahimu. Nous avons montré vendredi. Musiku wa kasano tulionesha. Qu'autant d'Abraham, notre ya, père. Ya kwamba muwakati ya Ibrahimu baba yetu. Lorsque Dieu jeta ses regards sur toute la terre. Wakati ile Mungu alitupa macho yake pa dunia mzima. Et même dans la cité où Abraham vivait. Wala na mumuji mule Ibrahimu alikuwa na keti. Dieu avait vu. Mungu alionaka. Que seul Abraham. Ya kwamba peke yake Ibrahimu. Était l'homme convenable. Alikuwa mtu mwenye kueneana wa kustahili. Par qui il pouvait enseigner la voie de l'Éternel. Kupitia yeye Mungu anaweza kufundisha njia ya wa milele. Et par lui. Na kupitia yeye. Même ses enfants devaient être enseignés. Hata na watoto yake walipashi kufundishiwa. À marcher dans la droiture. Namna kutembea katika unyofu. Et dans la justice. Na katika uwaki. Nous avons beaucoup insisté vendredi. Tuliweka sana mukazo siku ya mukazi tano. Qu'il n'y avait personne sur la terre. Ya kwamba pa ukwe mutu hata moja pa dunia. Qui avait cette mission. Ula alikuwa na hii kazi. La voix de l'Éternel. Njia ya Yehova. N'était pas connue. Haikujulikane. N'était pas révélée. Haikufunuliwe. Aucun homme n'avait cette charge. Hakuna mtu hata mwarikuwa na ile buzito. Et pendant cette période, na, mwile wakati ile, il n'y a aucune nation hakukwe taifa hata moja sur toute la terre pa dunia mzima qui marchait dans la justice ile kwa natembea katika uwaki, et dans la droiture. Na katika unyofu. C'est pourquoi Dieu, ndio kwa maana Mungu, en jetant les regards du côté d'où, mkutupa macho kuile ngambo ya Uri, il vit Abraham. Aliona ako Ibrahimu. Et il appela. Na akamuita. Il dit par toi. Akasema kupitia wewe. Tu vas enseigner la voie de l'Éternel. Utafundisha njia ya Yehova. Et tu apprendras à enseigner à tes enfants. Na utajifunza kuifundisha batoto yako. À marcher dans la crainte. Na mna kutembea katika boka. Dans la justice, katika uwaki, et dans l'adoration. Na katika unyofu. Nous avons évolué pour dire ceci. Tuliendelea na kusema hivi. En prenant Esaïe 41. Mukuchugua Isaya sura makumi ine na moja. Quand Dieu est choisit quelqu'un, wakati Mungu akichagua mtu, il le prend comme sa possession. Eko na mchugua sawa mali yake mwenyewe. Sa propriété. Mali yake mwenyewe Mungu. Et quand Dieu prend quelqu'un comme sa propriété, na wakati Mungu akichugua mtu sawa mali yake Mungu, tout au long du parcours de la marche de cet élu, kadiri ya safari ya huyu mteule, il ne sera jamais abandonné. Hawezi kamwe kuachiliwa hata mara moja. Dieu se tiendra à côté de lui. Mungu atasimama pembeni yake. Pour lui donner la main et la force. Dieu kumpatia nguvu. L'encourager dans la marche. Kumutia moyo mwile safari. Afin qu'il atteigne le but. Ili apate kufika ukifukuzio. Pour lequel Dieu l'avait élu. Kinyewe Mungu alimchagulia. Dans les moments sombres. Mwakati ya magumu. Les moments de grandes difficultés. Mwakati ya magiza. Dieu lui-même se tiendra à côté de lui. Mungu mwenyewe atasimama pembeni yake. Pour l'encourager. Dieu kumtia moyo. Pour le secourir. Dieu kumsaidia. C'est ça même la grâce. Ile ndio neema. C'est vrai. Ni kweli. Parce que la grâce. Ju neema. C'est le secours d'en haut. Ni musaada ya kutokea juu. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Dieu n'abandonne jamais ses élus. Mungu hawezi kamwe kuacha bateule yake. Il marchera avec ses élus. Atatembea pamoja na bateule yake. Pour les protéger. Juu ya kuwakinga. Contre la tromperie de l'ennemi. Kumaudanganifu ya adui. Contre toutes les machinations du diable. Matengenezo yote ya shetani. Jusqu'à ce qu'il atteigne leur but. Kufika na pale watafika kukifukuzio yabo. Pour lesquels Dieu les avait élus. Kinyewe Mungu alivaichagulia. C'est une garantie. Hii ni hakikisho. cas chaque véritable élu. Yenye kuwa na kila mteule. L'église est avec moi. Eti kanisa munafuata. C'est ce que nous avons montré. Njo ile tulionesha. C'est pourquoi il n'y a pas moyen. Njo kwa maana haiwezekani. En tant que chrétien. Sawa mukristo. Se plaindre. Kwanza kulialia. Un chrétien ne se plaint pas. Mukristo ajililialilia yake hapana. Nous avons dit. Njo kwa maana tulisema. Dieu connaît toutes choses. Njo Mungu anajua maneno yote. Alituchagua. Parce qu'il nous connaissait. Njo alitangulia kujua nos faiblesses. Alitangulia kujua mazaifu yetu. Notre désir. Alijua mania yetu. Il connaissait tout ce que nous étions. Alijua yote ile tulikuwa. À cause de nos faiblesses. Kwa ajili ya mazaifu yetu. Il se tient à côté de nous. Anasimama pembeni yetu. C'est vrai. Ni kweli. À cause de notre désir. Kwa ajili ya kutaka kwetu. Il vient pour nous fortifier. Pour que nous puissions avancer aisément. Ili tupate kusonga mbele. Dans la foi. Musalama ndani ya imani. Jusqu'à la fin de notre séjour terrestre. Ufika na mwisho ya maisha yetu pa dunia. Un élu. Muteule. Ne craint rien. Aogopake kitu. Même la mort ne lui fait pas peur. Ni la maladie. Wala magonjwa, ni la mort. Wala lufu, ni la persécution. Wala mateso makubwa, ni l'abandon. Wala kuachiliwa, ni les manquements. Wala kukosewa, la pauvreté. Masikini, ni l'argent. Même s'il est né, il a beaucoup d'argent. Hata kama ni la stérilité. Wala kukosa kuzaa. Rien alors au monde. Nakuna kitu pa dunia, ne peut décourager un élu. Kya kwezi kumulekesha mteule. Parce que Dieu Mungu se tient à côté de lui. Pour le fortifier, pour le protéger, pour l'encourager dans sa marche. C'est pourquoi l'Écriture a dit, ne promène pas des regards inquiets. C'est l'Éternel qui nous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons un peu évoluer. Dans la même pensée. Katika wazo moja moja hii. Être destiné à une tâche spéciale. Kuwa mwenye kutanguliwa kuweka juu ya kazi moja fulani ya upekee. Et y être consacré totalement. Na kujitoa kwa ile kazi kabisa kabisa. Lorsque nous allons dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Wakati tukisoma Biblia mwagano la kale, Jacob a eu 12 tribus. Yakobo alikuwa na makabila 12. Et parmi ces 12 tribus, na katikati ya ile makabila 12, même dans le partage, hata mkugawanyana, Dieu donna à chaque tribu une portion de terre qu'il devait hériter. Mungu aligawanya kila kabila sehemu ya budongo ile walipashi kuhiriti. Lorsque Dieu vient dans la famille de Lévi, wakati Mungu akikuya sasa mujamaa ya Lévi, il choisit Lévi. Akamchagua Lévi. Parmi les 12 tribus, parmi les 12 fils de Jacob, katikati ya wale watoto 12 ya Yakobo, et il leur confia le service du temple. Na hii kabila ya Levi akawapatia kazi ya mwekalu. Et dans la famille de Levi, na mwile jamaa ya Levi, il choisit la famille d'Aaron. Akachagua mo jamaa ya Aruni. Parmi toutes les familles d'Israël, katikati ya majamaa yote ya watoto wa Israeli, pour que la famille d'Aaron, dia jamaa ya Aruni, s'occupe du sacerdoce. Ipate kuangaikia kikuani. L'église est avec moi. Meti kanisa munafuata. Le service du temple, kazi ya kutumika muekalu, en Israël, mu Israeli, n'était pas la tâche de toutes les tribus. Aikukwe kazi ya makabila yote 12 hapana. Non. Hapana. Le service du temple, kazi ya kutumika muekalu, était entièrement confié, ilikuwa yenye kutolewa kabisa kabisa, à la famille de Lévi. Paka kujama ya Lévi. Et Dieu avait même imposé na Mungu aruweka mkazo de loi, ma sheria, de conditions ma kanuni pour ses services. Dieu a ile kazi. Aucune autre famille akukwe jama ingine n'avait le droit de travailler au temple. Akukwe jama ingine ile ilikuwa na ruhusa kutumika mwekalu hapana. Mais en ce qui concerne le sacerdoce, alakini kwenye kuelekea kitoani, Dieu entre dans la famille de Lévi. Mungu aliingia mujama ya Lévi. Bien qu'elle était choisie parmi les 12 tribus. Hata vile walimchagua katikati. Mais dans la famille de Lévi, makabila 12, il choisit une famille. Sasa muile la famille d'Aaron, akachagua mujama à laquelle moja, il confia les sacerdotes. Akachagua mo jamaa ya Aruni ile alikabulia kikuani. C'est Aaron et ses fils. Ni Aruni na batoto yake. Le seul qui avait la charge du sacerdoce. Peke yabo ndio walikuwa na buzito wa kikuani. Ceux qui avaient la charge de faire l'expiation du péché de d'Israël. Nibao ndio walikuwa na kazi ya kufanya ondoleo ya dhambi ya watoto wa Israeli. Ceux qui étaient plus proches. Nibao walikuwa karibu sana. De la gloire de Shekinah. Na utukufu ya Shekinah. Dieu les avait élus en conséquence. Mungu alibachagua juu ya hiyo. C'est ainsi que dans la vie des Lévites et des sacrificateurs, Dieu les avait imposé de lois qu'ils devaient respecter, qu'ils n'étaient pas imposés sur leurs frères. Pourquoi? Parce que les sacerdoces et la famille de Lévites occupait une fonction très très très sacrée. Barichugua kazi moya takatifu sana. Très sainte. Takatifu sana. Une fonction particulière. Ilikuwa ni kazi ya upekee. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada. Deutéronome au chapitre 18. Kumbu kumbu la Torati sura. L'église est avec moi. Kanisa mungu pamoja nami. Deutéronome chapitre 18. Kumbu kumbu la Torati sura 18. L'élection kuchaguliwa vous destine ikuna mitanguria kumiweka à une tâche particulière. Kazi ya upekee. Une tâche qui vous isole. Kazi ile tamitenganisha. De tout le monde. Na batu bote. Et vous y êtes consacré. Na utajitoa ku ile kazi. Lévitique 18. Deutéronome. Deutéronome 18. Exact. Kumbu kumbu la Torati 18. Deutéronome 18. Kumbu kumbu la Torati sura 18. Commençons verset 1. Troisième mstari ya kwanza. Verset 2. Mstari ya pili. Verset 3. Mstari ya tatu. Allez jusqu'au verset 5. Kufika na mstari ya tano. Même si vous lisez tous les chapitres, ce n'est pas... Non, non. Allez jusqu'au verset 8. Mfike na mstari ya mnane. Les sacrificateurs. Bakuani. Les Lévites. Ba Lawi. La tribu entière de Lévi. Kabila mzima yote ya Balawi. N'auront ni part ni héritage en Israël. Awata kwa, wala na sehemu, wala na uiriti mu Israël. Les sacrificateurs. Alakini bakuani. Les Lévites. Balawi. Et la tribu entière de Lévi. Na kabila mzima yote ya Balawi. N'auront ni part abatakwa wala na sehemu ni héritage avec Israël. Wala na uriti pamoja na Israeli hapana. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu. Masadaka yenye kutolewa à l'honneur de l'Éternel. Kuheshimiwa Yehova. Et de l'héritage de l'Éternel. Na kuiriti ya Yehova. L'héritage de Lévi. Uriti ya Walawi n'était pas matériel. Il n'avait pas une portion de terre pour laquelle il pouvait combattre. Laquelle il pouvait réclamer qu'elle était la leur. Ile walipashe kusema ya kwamba hii ndio sehemu yetu. Dieu dit à la famille de Lévi, Mungu akasema na hii jamaa ya Walawi, je vous ai choisi vous. Nalimichagua mweye Balawi. Vous n'aurez pas de part avec vos frères. En Israël, moi l'Éternel, je suis votre héritage. Quelle grâce. Même pour manger, vous mangerez à ma table. C'est ce qu'Israël m'offre. Il est Israël ananitolea. Pour manger. Dieu a mis kula. C'est ce que vous mangerez. Jo ile mwe Balawi mutakula. C'est une chose sainte. Ni kitu takatifu. Aucune tribu. Hakuna kabila tamoni. Vous devez manger. Il a ripashi kula. À la table. Kumeza. Avec les Lévites. Pamoja na Balawi. Parce que à la table des Lévites. Jukumeza Balawi. C'était la table de Dieu lui-même. Ilikuwa ni meza ya Mungu yeye mwenyewe. C'est Dieu qui était leur héritage. Ni Mungu ndiye alikuwa urithi yabo. C'est vrai frère. Ni kweli ndugu. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada. Vous lirez le reste. Quand vous lisez le verset, il est dit, ils n'auront ni héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage. Yehova atakuwa urithi yabo. Il est leur dit. Et le verset 3, on montre le droit des sacrificateurs sur le peuple. Dans le verset 5, car celui que l'Éternel ton Dieu a choisi, c'est Lévi, la famille de Lévi, entre toutes les tribus, pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours. Milele. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. La tribu de Lévi, la famille de Lévi. Kabila ya Lévi. Dieu l'avait choisi. Mungu alichagua. Elle avait séparé avec ses frères. Na kuitenganisha na banduku yake. Pour qu'elle soit son fils à son service. Juu ipate kumtumikia Mungu. C'est vrai. Ni kweli. Dans Deutéronome 33. Kumbukumbu la Torati 33. Deutéronome chapitre 33. Kumbukumbu la Torati sura 33. Quand Dieu choisit quelqu'un, wakati Mungu akichagua mtu, cela signifie inamaanisha ya kwamba que ce dernier ya kwamba huyu mtu est destiné, anastahili, est consacré à une tâche particulière. Ni mwenye kutolewa kwa kazi ya upekee. Que cette pensée là vous pénètre. Ile wazo ipate kumiingia. Deutéronome chapitre 33. Kumbukumbu la Torati sura 33. Commençons au verset 8. Vous pouvez aller jusqu'au verset 11. Mutafika na mstari ya 11. Nous lisons ceci. Tunasoma hivi. Deutéronome chapitre 32. Chapitre 33 exact. C'est 33. Ni sura 33 ya verset 11, nous lisons. Sur Lévi, Yulu ya Lévi, Dieu dit, Mungu akasema, les Tumim et les Urim, Urim na Tumim, c'est-à-dire, manaki, toute la parole de Dieu, neno la Mungu lote, l'Urim et Tumim, Urim na Tumim, c'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Les Tumim les Urim. Ma Tumim na ma Urim. Ont été confiés à l'homme saint. Il mupewa mutu mutakatifu. Que tu as tenté à Massa. ule ulijaribu mule mumasa. Avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba? Pamoja naye murikombanisha pale pamaji ya Meriba. Verset 9. Sare akenda. Lévi dit de son père et de sa mère. Lévi akasema julu ya baba yake na mama yake. Je les ai vus point. Sikubaone. Il ne distingue point ses frères. Achachanishe banduku yake. Il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Lévi ne fait pas exception de personne. L'Église est avec moi. Il a été détaché de toutes les familles d'Israël. Dieu l'a placé au milieu d'eux comme une famille naître qui ne devait pas prendre parti d'aucune famille dans son jugement. C'est vrai. Lévi ne devait pas avoir d'acception de personne. Quand il juge son père, il juge sa mère vis-à-vis de la parole de Dieu, il ne juge que selon ce que Dieu dit. Kile Mungu anasema, il ne peut pas dire kusema, celui-ci c'est mon père juu, ni baba même yangu, s'il a fauté je vais fermer l'œil. Celui-ci c'est ma mère ni mama yangu, je vais la justifier yaki, non apana. L'Église est avec moi. Kanisa inafuata. Quand il a la parole, wakati ni enjo anapashi kusema, comme c'est un homme saint, kama vile ni mtu mtakatifu, à qui l'urim et tumim, ule urimi na tumim, toute la parole de Dieu lui a été confiée, dans son jugement, il doit être juste. Anapashi kwa mtu wa uwaki. C'est vrai. Il doit prononcer des jugements justes. Hukumu ya uwaki. Pas d'acception. Pas de favoritisme. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé sœur. C'est pourquoi, quand Lévi est dans sa fonction devant Dieu, il ne voit pas son père, il ne voit pas sa mère. Quand il est dans sa fonction, il ne connaît ni ses frères, il ne distingue pas ses frères. Dans sa fonction, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur. Il ne connaît même pas ses enfants. Yeah, dans les jugements, quand ses enfants mambo, ont des différents mambo, avec les autres enfants, d'autres familles, Lévi ne connaît pas ses enfants. Il ne peut pas dire, ça c'est mon fils, il a raison. Vis-à-vis de la parole, il doit prononcer les jugements selon la justice divine. C'est un homme saint. Ni mutu mutakatifu. Dieu l'a isolé. Mungu alimwachanisha. Et lui a confié na kumupatia les tumim et les urim. Matumim na maurim. Une tâche particulière. Ni kazi ya upeke. Un service particulier. Kazi ya upeke. Et Lévi était consacré. Lévi alitolewa. Lévi ne quittait pas le temple. Lévi ne s'occupait pas des champs. Il ne s'occupait pas de commerce. Lévi s'occupait des problèmes de ses frères. C'est vrai frère. C'est pourquoi il portait l'urim et tumim. Il avait la charge de ses frères. L'achat d'Israël était sur l'épaule de la famille de Lévi. C'est lui qui devait s'occuper de tous leurs problèmes. C'est lui qui devait résoudre tous leurs problèmes. Il était consacré. Il devait rester continuellement dans la face de l'Éternel pour avoir un jugement juste, un jugement saint, un jugement droit, pour qu'il ne distingue pas ses frères, qu'il n'ait pas de favoritisme. L'Église est avec moi. C'était une tâche particulière. Quand les frères de la famille d'Israël avaient des problèmes entre eux, tout le monde courait vers Lévi pour trancher, parce qu'il allait trancher leurs problèmes avec justice, avec pureté de cœur. Il n'avait pas de penchant. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. C'est pourquoi il devait être consacré Arpacho Kujito Asana. Mukusoma sheria ya Mungu juu ajue namna kani ya kufundisha Israel uhaki ya Mungu ya kufundisha watoto wa Israel sheria ya Mungu. Nos enfants d'Israël, la loi de Dieu. C'est vrai. Nikoeli. Il ne connaît point ses enfants. Yeye asitambue batoto. Car il observe ta parole. Kwani yeye anachunga neno lako. Il garde ton alliance. Il enseigne tes ordonnances à Jacob. Et ta loi à Israël. Vous voyez son travail? C'est pourquoi même aujourd'hui, les hommes de Dieu, les lévites d'aujourd'hui, des prédicateurs, doivent être des hommes consacrés. Ils doivent lire beaucoup. Ils doivent des fois s'isoler. Ils doivent rester seuls. En présence de Dieu. Priant. Lisant. Cherchant la volonté de Dieu. Sur le peuple. Sur son peuple. C'est vrai frère. Cherchant comment Dieu peut bénir son peuple. Parce que c'est par eux que Dieu bénissait les enfants d'Israël. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Les Tumim et les Urim étaient confiés à l'homme saint. Vous voyez bien mes frères. Il servait les dieux saints. Il devait être saint pour enseigner la sainteté au peuple de Dieu. L'Église est avec moi. Il n'avait pas droit aux distractions mondaines. Parce que la charge de toutes les familles d'Israël reposait sur Lévi. Il devait connaître la loi de Dieu. Il devait connaître les ordonnances de Dieu. Il devait recevoir de la part du Seigneur la révélation de ses ordonnances pour les enseigner correctement au peuple de Dieu, à Israël, l'élu de Dieu. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob. Et ta loi à Israël. Ils mettent l'essence sous tes narines. Uvumba. Uvumba pa tes narines. Voyez. Et l'holocauste sur ton autel. Nazabihu pa madhabu yako. Bénis sa force au Éternel. Ubariki nguvu yako. Agrée l'œuvre de ses mains. Ukubali kazi ya mikono yake. Brise les reins de ses adversaires. Uvunje shaba ya adui yake. Les reins. Akiuno ya adui yake. Akiuno ya adui yake. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Sina na wakati ya kuisemea leo. Frère. Nduku. Sœur. Dada. Lévi. Lévi. Et les sacrificateurs. Lévi et les sacrificateurs. Lévi nabakuani. Dans les services de Dieu, était investi d'un pouvoir particulier qu'il n'avait pas, une autre tribu ou une autre famille. Quoi bien de mes frères, quand un sacrificateur élevait sa main pour demander la bénédiction sur Israël, les dieux du ciel répondaient à sa prière. Pourquoi? Parce qu'il avait été oint et investi et choisi par Dieu pour faire ce travail. Quand elle invite, s'élever pour demander la bénédiction sur Israël, tous les démons reculaient. Il est dit ici, brise les reins de ses adversaires et agrée l'œuvre de ses mains. Lévi, le sacrificateur, avait un pouvoir particulier. Voyez bien de mes frères. Voyez bien de mes sœurs. Leur prière, leur sacrifice était particulier. Quand un sacrificateur venait avec son sacrifice pour élever sa voix, le ciel avait les yeux ouverts sur ce que le sacrificateur était en train de faire. Vous ne comprenez pas. Vous comprendrez plus tard. Vous voyez bien mes frères. C'était un pouvoir que Dieu l'avait investi. Même aujourd'hui, frère. Quand un ancien ou un berger prie sur vous, frère, il a un mandat direct de Dieu. Il n'est pas comme toi. Non. Apana. Il a investi des pouvoirs que vous n'avez pas. Il est wewe unanayo. Toi tu peux prier pendant toute la journée, ne rien recevoir. Mais un homme de Dieu oint fait prononcer une seule parole et vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas mon sujet. Je parle de l'élection. Na wakati ya kuisemezea haina shida. Regardez Elie Anne. Tazameni Elie na Anne. Nawezi kukuwa. Elie na Anne. Anne, la femme del Cana. N'avait pas d'enfant. Muke wa Elkana asikuwa na batoto. Des années. Miaka na miaka. Elle était tourmentée par sa rivale. Alikuwa banamuchekelea kwa ule mbanda wake. Elle décida d'aller dans le temple. Siku moja akachukua mpango akwenda mwekalu na kuomba kaomba. Jusqu'à ce qu'elle n'avait plus de voix. Kufika na pale sauti kamkatika. Elle n'avait rien obtenu. Asikupokee kitu. Le souverain sacrificateur, elle était là dans sa chaise. Mkuani mkubwa alikuwa Eli, alikuwa pale mkiti yako namwangalia ana. Regardez à la fin. Akaangalia kumwisho. À la fin du culte. Kumwisho ibada akasema. Anne est restée en train de prier. Elie se lève de sa chaise, il va. Ma fille, binti wangu, le temps de la prière est terminé, toi tu traînes encore ici. Aujourd'hui tu en abuses de un verre de trop. Tu restes longtemps ici. Regardez les gens qui savent respecter les hommes de Dieu. Tu n'es même pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. Tu ne sais pas que je suis très attristé. Je ne suis pas une femme pervertie. Si na mwanamke wa ovyo. Sikukunye pombe hapana. Si tu m'as vu? Kama uliniona. M'attarder longtemps. Ugawia muda mrefu. À l'hôtel. Mazabu. Ni kunateseka mon cœur souffre. Moyo wangu na j'ai besoin. Niko nahitaji. Il n'y a que Dieu qui peut consoler mon cœur. Hawezi kufariji moyo wangu. C'est pourquoi je suis venu ici pour répandre mon cœur. Répandre mon cœur. Répandre mes difficultés à mon Dieu. Eli n'a même pas prié. Eli a si kuombe ata kuomba. Il a tenu la fille. Akamushika ule mwanamke. Bintu wangu amka. Que Dieu Mungu te donne ce que ton cœur désire. Akupatie kile moyo wako inatamani. Unamalizika sikumuombea hata kumuombea. Et il a eu na, alipokea. L'enfant qu'il cherchait. Mtoto ule alikuwa anatafuta. Très bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Wakati mwenye kupakaliwa mafuta. Dans son service. Mukazi yake. Prie. Akiomba. Les démons. Mademona. Recule. Inarudi nyuma. Kawa. Wakati mwenye kupakaliwa. Akiomba. La malédiction. Laana. Recule. Itarudi nyuma. Kawa. Wakati mwenye dans son service. Mukazi yake. Prie. Akaomba. Les chaînes de l'ennemi. Ma. Sont brisées. Kamba ya adui takatika. C'est vrai frère. Il a été choisi pour ça. Ali chaguliwa juu ya ile kazi. Et il était consacré à cela. Na alikuwa mwenye kutolewa juu ya ile kazi. C'est vrai frère. Ni kweli. Et dans Exode 28. Mukutoka sura 28. Exode 28. Kutoka sura yake 28. Là nous voyons la famille d'Aaron. Mule tunaona jamaa ya Aruni. La famille d'Aaron. Jamaa ya Aruni. Vous pouvez lire tous les chapitres. Munawezi kusoma sura yote mzima. Donc, Exode 28. Kutoka sura 28. Vous pouvez lire tous les chapitres. Munawezi kusoma sura yote mzima. Je prends les versets 1 et 2. Mimi nachugua tu mstari ya kwanza na ya pili. Fais approcher de toi Aaron, ton frère. Ukaribishe Aruni nduku yako. Et ses fils. Na watoto yake. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Ubachugue katikati ya watoto ya Israeli jua kubatoa kazi yangu. Aaron et les fils d'Aaron. Aruni na watoto ya Aruni. Nadab, Abihu, Eliezer et Itamar. Nadab, Abihu, Eleazar, na Itamar. Tu verras Aaron ton frère des vêtements sacrés. Utamufania Aruni ndugu yako mavazi yenye takatifu yenye kutolewa. Pour marquer la dignité. Dieu a connu heshima. Et pour lui servir de parure. Na Dieu kumsaidia apate kuonekana. Vous voyez. Unaona. Et même dans l'habillement. Hata mumuvario. Dieu a marqué. Mungu aliweka. Indifférence. Atanisho. Entre Lévi. Katikati ya Lévi. Et la famille. Na jamaa. D'Aaron. Ya Aruni. Parce que. Dieu ni bao. Devait travailler à l'hôtel. Les services du temple furent confiés à la famille de Lévi tout entière. Mais l'hôtel en particulier fut confié à Aaron et à ses fils. Vous voyez bien mes frères. Il était consacré à cela. C'est pourquoi Dieu les avait choisis. Dans Exode 40. Dans son verset 12. À 15. Tu feras avancer Aaron et ses fils. Vers l'entrée de la tente d'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron. Et des vêtements sacrés. Tu les oindras. Et tu les sanctifieras. Pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Tu feras approcher ses fils. Tu les revêtiras de tuniques. Et tu les oindras comme tu auras oint leur père. Pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Cette onction leur assurera à perpétuité les sacerdotes parmi leurs descendants. Vous voyez, unaona, dans la famille de Lévi, ya Lévi, Dieu prend encore Mungu motena, la famille d'Aaron ya Aruni, sur qui il avait mis une onction particulière. Upako ya upeke. Voyez bien mes frères, unaona, ndugu mpendo, c'était pour travailler maintenant à l'hôtel. Et des lois particulières na masheria ya upeke, fut confiées ilipewa, à la famille d'Aaron. Jamaa ya Aruni. En ce qui concerne l'expiation du péché. En ce qui concerne l'expiation du péché. C'est le travail particulier. Kazi ya upeke. Travail spécial. Kazi ya upeke. D'Aaron ya Aruni et de ses enfants. Na batoto yake. Aucun autre ne pouvait le faire. Hakuna mwingine wala quand il y avait des grandes expiations, wakati kukua mambo ondoleo mkubwa, on appelait Aaron. Barikuwa waita Aruni. On appelait ses enfants. Barikuwa naita batoto yake. C'est eux qui devaient le faire. Ni bao ndio barapasha fanya kazi hiyo. C'est vrai frère. Ndio nduku. C'est vrai ma soeur. Ndio dada. Il n'est pas seulement consacré au service. Abakutolewa tu ku kazi bule. Ils avaient même consacré leur vie à Dieu. Alakini bo benye baritolea maisha yabo yote kwa Mungu. Oui bien mes frères et sœurs. Dio nduku na dada mpendwa. C'est ça être élu. Njokuwa muteule. Vous êtes destiné. Unaitwa. À un service spécial. Kufanya un travail spécial. Kazi ya upeke. Et na à une consacration totale à ce service. Kujitoa kabisa kabisa kuile kazi. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada. Quand vous prenez Jérémie chapitre 1, mukichugua Yeremia sura ya kwanza. Jérémie au chapitre 1. L'église est avec moi. Yeremia sura ya kwanza. Être élu, kuwa muteule, c'est être destiné, ni kuwa mwenye c'est kutolewa, être consacré kuwa mwenye à une tâche particulière, une tâche spéciale. Kazi ya upeke. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous élut. Ile Mungu alituchagua. Il nous choisit. Anatuchagua. Jérémie chapitre 1. Jérémie sura ya kwanza. Verset 4 à 5. Msari ya 4 hadi 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Neno ya Yehova ikanielekea mimi semo. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère. Mbele ya mimi kukuumba ndani ya tumba mama yako. Je te connaissais. Nalitangulia kujua. Avant que tu sois sorti au sein de son sein. Mbele ya wewe kutoka mtumba mama yako. Je t'avais consacré. Nalikutolea. Je t'avais établi. Nalikuwekaka. Prophète des nations. Nabii wa mataifa. C'est vrai frère. Nkweli nduku. C'est vrai ma sœur. Nkweli dada. Comme nous avons parlé vendredi. Tulisema musiku wa kazi. Que l'appel et l'élection. Ya kwamba mwito na kutambuliwa. Ensemble. Binatembea pamoja. Quand Dieu appelle maintenant Jérémie, wakati Mungu anamuita sasa Yeremia, il commence par lui dire, ananzia kwanza kumwambia, écoute Jérémie, usikilize wewe Yeremia, avant même que tu ne sois formé, mbele ya wewe kutumwa, dans le ventre de ta mère, ndani ya tumba mama, moi l'Éternel, je te connaissais, nalitangulia kukujua, avant que tu ne sortes, mbele ya wewe kutoka, de son sein, tumba mama, je t'avais déjà consacré, nalitangulia kukujua, je t'avais déjà établi, prophète des nations. Vous voyez, Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait appelé. Et il l'avait consacré pour qu'il soit établi prophète des nations. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Il était établi prophète des nations. Et il avait un message pour les nations. Le message que Dieu avait pour les nations devait passer par Jérémie. Je l'avais suscité. C'est pour que Jérémie aille vers les nations leur parler de la part du Seigneur, de la part de Jéhovah. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Vous continuez jusqu'en bas là. Voyez, vous verrez la mission que Dieu lui a donnée. Ici, j'aime seulement vous faire voir que quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu consacre ce dernier à une tâche particulière. Il en est de même des prédicateurs. Si vous prenez Ephésiens 4, chapitre 4, 8 à 16, là où il est dit de 5 ministères, Dieu a choisi les 5 ministères et les a placés dans son corps, c'est pour l'édification de son corps, c'est pour le perfectionnement de son corps. Vous ne connaissez pas l'écriture? Lisons cela. Les prédicateurs, Baubiri, les prophètes, Banabi, les évangélistes, les apôtres, Bamitume, voyez, Munaona, ont été appelés Balitua, et choisis na kuchaguliwa, et placés dans l'église mukanina, avec une seule mission, na kazi moja tu, de dédifier ni ya kujenga, et de perfectionner na ya kukamilisha l'église. Kanisa. Ils sont consacrés à cela. Nibenye kutolewa juu ya ile kazi. Je commence au verset 11 pour aller un peu plus vite. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alipatia kwa bamoja sawa bamitume, kwa bengine sawa manabi, kwa bengine sawa pashabari njema, na kwa bengine sawa pastori na bamwalimu. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état parfait, à l'état d'homme fait, à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de leur séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est chef, Christ. Vous allez lire jusqu'en bas. Vous voyez bien mes frères et sœurs. Si Dieu a établi les cinq ministères dans l'église, il a choisi les cinq ministères, il les a établis, il leur a confié une tâche spéciale. Quelle est la tâche spéciale des ministères? C'est d'enseigner la vérité au peuple, c'est de perfectionner, c'est de signifier par des choses vrai l'église du Seigneur pour que l'église parvienne à l'unité de la foi dans l'amour. Voyez bien mes frères, l'édification et la perfection du corps de Christ et l'unité du corps de Christ n'est pas le travail d'un seul ministère. Ça c'est faux. C'est le travail de tous les cinq ministères. Chaque ministère a été choisi, a été placé dans l'église. Il doit travailler pour que l'église atteigne la maturité. L'église doit être renseignée pour éviter aux frères aux sœurs de croire aux mensonges. Les mensonges prêchés au nom de Dieu, au nom de la Bible. L'église avec moi, les ministères, ils enseignent correctement. Ils prêchent toute la vérité de Dieu pour que le peuple ne tombe pas dans la séduction de l'ennemi. Et il prie de manière que tout le monde atteigne l'unité de la foi dans l'amour, dans la douceur, dans l'harmonie. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, quand un homme est appelé au ministère, il est appelé à une tâche particulière. Et ce dernier ne fait aucun cas diviser l'église. Non, bien aimé frère. Il travaille. Il est consacré à ce service. C'est pour que l'église soit perfectionnée. Vous voyez, il faut que l'église soit édifiée. Badjengwe. Il faut que l'église y commette. Il faut la commette. Naneno la mungu la kweri. C'est pourquoi les prédicateurs sont appelés à ne dire que la vérité à l'église. Pourquoi? Parce que la vérité délivre. C'est vrai, frère. Il faut que les gens croient à la vérité. Qu'ils atteignent la perfection. C'est ça l'objectif. Oui, bien, frère et soeur. Il ne doit pas être ballotant. Même l'église, une église locale, ne doit pas être ballotant. Non, frère. Un croyant dans sa foi ne doit pas être embrouillé à tout moment. Non. Vous voyez bien mes frères, il m'a couché avant qu'il a toqué. Et quoi? Où il y en a quoi dans ce mabiaque? Un ami. Oh, il vient bien quoi? Non. Il vous sait ma ministère, il faut un écrasé. Ça dit que le ministère n'a rien fait comme travail. Non, bien mes frères. Le travail de ces cinq ministères, chacun dans son domaine, c'est doter la confusion dans les croyants. Il ne faut pas que les croyants soient tombés sous la séduction de l'ennemi. Comme nous le voyons dans les dénominations, par manque des hommes mandatés par Dieu, on appelle les devins comme des prophètes. Non frère, non ma soeur, cela est faux. Ça ne doit pas être ainsi. L'Église doit être enseignée clairement. Imani ya baminifu, la foi des croyants. Il n'a pas sa kushimama muzuri. Doit être fondé stable. Il a mwaminifu. Chaque croyant. Mukanisa. Il faut ayue qu'il est un ami. Il faut qu'il sache ce qu'il croit. C'est vrai, frère. Où qu'on a toqué à wapi? D'où viens-tu? Où qu'on a fait un nini mukanisa? Et qu'est-ce que tu fais dans wapi? Et où vas-tu? Nini? C'est quoi? Qui sina ya. Imani yako. Où qu'on a combattu à Nini? Tu te bats pour quel motif? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Pourquoi tu viens tous les jours à l'église? Votre foi doit être éclairée sur tout point et en chaque chose pour que tu ne tombes pas entre les mains de l'ennemi. Voyez, c'est une tâche particulière. C'est ainsi, bien aimé, frères et sœurs. Dieu aussi a doté les cinq ministères d'une onction spéciale. Frère, chaque ministère a une onction spéciale selon la charge que Dieu lui a confiée. C'est ainsi que vous m'avez entendu, ce que vous avez entendu, la sacrificature. Un évangile ne comprend pas la Bible comme un enseignant. apana. Non. Apana. Un pasteur Pastori ne comprend pas la Bible, Biblia, comme un enseignant. Mwalimu. Un pasteur Pastori ne comprend pas la Bible comme un évangéliste. Mupashabari njema, apana. Un docteur Mwalimu ne comprend pas la Bible Biblia, comme un prophète. Sawanabi, apana. Non, bien, mes frères. Apana nduku mpendwa. Mais la compréhension ou la révélation des Écritures que ces cinq ministères reçoivent est complémentaire. Est-ce que l'Église est avec moi? Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Ces choses sont très importantes. Ne pensez pas que je suis en train de suer pour rien. Je sais de quoi je parle. Pardonnez-moi, frère. Chaque ministère a une tâche particulière. Il a une onction particulière. Quand ma pasteur est connaissant ma Bible, il a vu qu'on a retenu. Ce que je retiens, Royake, son esprit, ni il m'a enseignement yote, tout son enseignement, il est attaché au pasteur. Et il le comprend profondement. Et quand il commence à parler, c'est qu'il est édifié. Anaanza kusemezea kanisa na jengo. Eti mnaifuata. Kaen evangelist. Wakati mpasha Biblia. Lui prend la Bible. Akichukua Biblia. Mambo yake. Son problème. Eko naona vintu. Ma verse ile kona mbatana. Na zawadi Mungu alimpashia. Kaen commence à prêcher. Les malades sont guéris. Magonjwa bana sauvé. Les pécheurs sont sauvés. Matenda zambi bana okolewa. C'est son domaine. Ni kazi yake. Vous voyez? Unaona? Un enseignant. Mwalimu. Ne peut pas travailler comme un evangelist. Asezi kutumika. C'est avec moi. C'est-à-dire qu'il a ministère. Chaque ouduma. Quand il est dans la Bible. Lorsqu'il entre dans la Bible. Il connaît chukua mo chakula. Il prend la nourriture. Il est convenable. Na uduma Mungu alimupatia. Le ministère que Dieu lui a confié. Pour qu'il aille pendo ya Mungu. Le troupeau de Dieu. Ouais bien mes frères. Qui la ministère? Chaque ministère. Qui la ministère? Qui la uduma? Iko particulier. Iko ya upeke. C'est pourquoi vous voyez frère banam. C'est pourquoi mon aona ndugu bana. Il dit anasema. Da avertissement puis jugement. Il dit dans la mouche au jugement. Il dit chaque ministère est spécial. Vous voyez, munaona un évangéliste spécial. Mupasha bari spécial. Mwalimu ni spécial. Mupasha bari njema wa upeke. Si iko leo message. Cet esprit qui est aujourd'hui dans le message. Tous les prédicateurs. Ba enseignants. Qui deviennent bari. Ni esprit ya bongo. C'est un faux esprit. Ce n'est pas Dieu. Anamundi. Ma ministère yote 5. Et ma ministère 4 yote. Aïwezi kuba. Aïwezi. Quoi confiner dans l'enseignement? Non. Pas venir, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. C'est faux. Nibia bongo. Il y a 5 ministères qui doivent travailler pour édifier et pour perfectionner l'église du Seigneur. C'est vrai, frère. Quand on est quelqu'un spécialiste, si toi tu es spécialiste, sombe. Kama on a expliqué sombe, batota va nasuka kumulango a fait de manière sombe. C'est que tu le prépares. Les enfants vont apprécier. C'est ton don. Il est mis à l'aise. Anakalanga, tu m'attembele. Il grille, c'est le mal. Anakalanga, il grille. Anakalanga, tu vas en panjo. Les sauterelles. On a couru en panjo. Et que tu manges ces sauterelles. Tu vas oublier même la viande. Oui, mes frères. On a un le corps de Christ. Oui, il y a Christ. A besoin. Il a itagi. Toutes les vitamines de la parole la vitamine yote pour croître. Ouais bien mes frères. Ouais bien mes sœurs. C'est ça, c'est ce qui fait grandir le corps. Oui bien mes frères. Chaque ministère, chaque ministre, avec son onction, avec son don, avec sa charge, pour édifier et pour personnel l'église. Et tous les ministères, ils travaillent en complémentarité. Oui bien mes frères. Dieu bien-aimé sœur, merci tout le monde. Deviens seulement enseignant. Balimu. Nibia bongo. C'est faux. Nibia bongo. C'est sana. C'est vraiment faux. Nous avons besoin de la guérison divine. Nous avons besoin de ministère. Kama iko na ubiri, iko na la musha imani yetu. Ça fait élever notre foi. Ça vivifie notre foi. Il a vivifié. Il est comme il est. Et ça perfectionne oui, notre foi. Frères, nous avons besoin de voir Dieu agir au milieu de nous. Un Dieu vivant. Mungu muzima. C'est le ministère des évangélistes qui sanctifie l'église pour amener la présence du Seigneur. Oui, bien, mes frères. Ça va, je m'arrête là. Sinon, je commence à aller ailleurs. Il dit, nous sommes toujours là. Être élu. Vous êtes destiné et consacré à une tâche spéciale. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Quand un Dieu le choisit, il est docteur, il est consacré dans ses enseignements. Et il doit prêcher pour éclairer le peuple de Dieu. Il ne peut pas amener de la confusion. Non. Si c'est un pasteur, il doit enseigner de manière à ce que les brebis marchent dans la paix, soient nourris correctement. Oui, bien mes frères. Oui, bien aimé sœur. Les cinq ministères aussi sont appelés, sont élus et ils sont attachés à cette œuvre. Non, non, frère. Où est-ce que nous sommes versés? Toi, tu peux lire un verset. Ah oui, Ishiki. Et que tu ne le comprends pas. Tu les comprends en mais moitié. Mais quand celui qui a les dons prend les mêmes versets que tu as lus, alors ça peut expliquer. Commence à l'expliquer. On en a les versets. Tu verras que ces versets-là, ça devient nouveau. Oui, bien, mes frères. On en a tout compris. Ou d'ailleurs, si on a la Bible, tu peux lire la Bible. On est somme. Tu les lis. Attends, on est somme de la Genèse à l'Apocalypse. Kwanza mwanzo kufika kufunuo. Au bas même au quinto attaque mon. Tu ne retiens rien. Sasa kama unaanza kubiri, mais si tu commences si à prêcher, kama unaanza wapi? Unaanza kuangalia Biblia, unaangalia verset, unaanza kuhubiria, unaangalia verset. Et tu n'auras plus d'onction. Mais celui qui a l'onction, mwenye kwa na upako, dans son ministère, muhuduma yake, il peut prêcher. Anawezi kuhubiri. Tous les jours ici que Dieu a créé. Kila siku Mungu aliumba. L'onction de Dieu na upako ya Mungu, est toujours avec lui. Il y a toujours de nouvelles choses que Dieu ajoute. Bile Mungu yako na ongeza. Voyez bien mes frères. Parce qu'il est consacré, il est destiné à un service et à une tâche particulière. C'est comme David. Quand vous prenez Samuel chapitre 16. Dans son verset 6 à 14. Mstari yake ya 6 kufika 14. David fut choisi. Daudi alichaguliwa. Voyez, il fut choisi par Dieu pour être roi sur son peuple d'Israël. Vous voyez. 1 Samuel. Samuel wa kwanza. L'église est avec moi. Kanisa munafuata. Vous comprenez quelque chose? Munaelewa mkitu fulani? C'est bon. Ni mzuri. 1 Samuel chapitre 16. Samuel wa kwanza sura 16. 16. Verset Nustari, 6 à 14. Yasita adi kuminaine. Lorsqu'ils entrèrent, wakati lwa lingia, il se dit, akasema, en voyant Eliab, mukumona Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi, devant lui. Akika mupakaliwa wa Yehova eko hapa mbele yake. Et l'Éternel dit à Samuel, na Yehova kamwambia Samueli, ne prend point garde à son apparence. Ushangalie kuonekana kwake kwa nje. Et à l'auteur de sa tâche. Na ushangalie burefu bwake. Car je l'ai rejeté. Kwani mimi Mungu nisha mukataa. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Yehova ashangalie yake kile mtu anaona. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mtu yeye kunaangalia kuile kunapika kumacho yake. Mais l'Éternel regarde au cœur. Lakini Yehova yeye kunaangalia kumoyo. Isaïe appela Abinadab. Isaïe akaita et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, Samuel akasema, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Yehova asikuchague tena na huyu mwenyewe. Isaïe fit passer Shama. Isaïe akapitisha Shama. Et Shama dit, et Samuel dit, na Samuel akasema, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Yehova asichague tena hata na huyu mwenyewe. Isaïe fit passer sept de ses fils. Isaïe akapitisha watoto wake devant Samuel. Mbele ya Samuel. Et Samuel dit, na Samuel akasema, Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe. Samuel akamwambia Isaïe. Sont cela tous ses fils? Et il répondit. Na yakajibu. Il reste encore le plus jeune. Kuna wakia tena muloko. Mais alakini, il fait paître les brebis. Et qu'on alisha kondo. Alors Samuel dit à Isaïe. Basi Samuel akamwambia Isaïe. Envoie-les chercher. Car Kwani, nous ne l'attirons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Isaïe akatuma ba mutafute. Oh, il était de blond. Jampo, alikuwa murembo. Avec les beaux yeux. Na macho mazuri. Et une belle figure. Na mzuri kuso. L'Éternel dit à Samuel. Yehova akamwambia Samuel. Lève-toi. Lamuka. Wale. Umpakae mafuta. Car c'est lui. Njo yeye. Samuel prit la corne d'huile. Samuel akachukua ile pembe ya mafuta. Luani au milieu de ses frères. Akampaka mafuta katikati ya ndugu zake. L'esprit de l'Éternel saisit David. Roya Yehova akamshika Daudi. Kuanzia ile siku. Et dans la suite. Na mumasiku ifuatayo. Samuel se leva. Samuel akamka. Et s'en alla à Rama. Na kaenda kurama. L'esprit de l'Éternel se retira des sols. Roya Yehova ikatoka musol. Qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Na pepo mchafu ilitokea kwa Yehova. Et le serviteur de Saul lui dit. Na watumishi wa Saul wakamwambia. Voici. Tazama. Un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Tazama pepo mchafu kutokea kwa Mungu na kuangaisha. Que notre Seigneur parle. Bwana wetu aseme. Tes serviteurs seront devant toi. Watumishi wako watakuwa mbele yako. Ils chercheront un homme. Watatafuta mtu. Qui sache jouer de l'harpe. Ula anajua kupika kinanda. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sur toi et sur toi sera sur toi. Wakati ile pepo mchafu akutokea kwa mwili utakuwa juu yako. De sa main. Atapika kinanda. Et tu seras soulagé. Na unawezi kufaidiwa hako. Et parmi katikati les sept enfants. Batoto saba. Qu'Isaïe présenta à Samuel. Vale Isaïe alimpeleka mbele ya Samuel. Je ne vis que David. Mungu aliona paka Daudi. Qu'il choisit. Ula alichagua. Comme roi de son peuple Israël. Kama mfalme wa taifa yake ya Israeli. Et David était consacré à cela. Daudi alitolewa juu ya ile kazi. Il avait une charge particulière. Alikuwa na mzito wa upekee. Et en dehors de cela. Na nje ya ile. David était un bon chanteur. Daudi alikuwa mpike mwimbaji mwema. Regardez ce qui s'est passé. Tazameni ile ilifanyika. Quand il fut loin. Wakati alipakaliwa mafuta. Et que l'esprit de Dieu est venu sur lui. Na roho ya Mungu ikakuwa yulu yake. Il marchait selon l'esprit de Dieu. Alikuwa anatembea kufuatana na roho ya Mungu. L'esprit de Dieu se retira devant son sur sol. Roho ya Mungu ikamtoka Saul. Parce que Saul avait désobéi à Dieu. Du Saul alikosa kumtii Mungu. Et quand Dieu partit de Saul. Wakati Mungu alimtoka Saul. Les mauvais esprits ont remplacé l'esprit de Dieu. Sasa pepo mchafu ikakomboa roho ya Mungu ndani ya Saul. C'est pas souvent. Njoo ile kunafanyika kila mara. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau. Wakati mtu asiyazaliwa mara ya pili. Et qu'il travaillait seulement par l'onction. Na kama alikuwa anatumika. C'est un faux oint. Kwa ajili ya upako ni un faux oint. Wakati upako ya bongo. Quand un faux oint. Wakati upako ya bongo. Est au service de Dieu. Inatumikia Mungu. Avec l'esprit de Dieu. Pamoja na roho ya Mungu. Il agit correctement. Atatenda mzuri mzuri. C'est ça qui séduit les gens. Ndio ile unatongoza watu. Une fois. Kisha. L'onction de Dieu est parti. Upako ya Mungu kumtoka. Il devient maintenant démoniaque. Anabakia sasa. Il devient charnel. Anakuwa mtu wa mwili. Vous voyez bien mes frères. Non, non, ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Non, non, dada mpendwa. C'est ainsi que les gens se posent la question savoir. Ndio pale watu wanajiuliza. Celui-ci, c'était un bon serviteur de Dieu. Il était là qui prêche. Il y a beaucoup de gens qui étaient délivrés. Il y en a qui étaient guéris. C'était l'onction de Dieu. Mais depuis qu'il y a Tu vis avec ta femme en paix. Ma démon il a kubamba. Les démons te saisissent. Et la femme devient mauvaise. Ukona ma démon. Tu es habité par des démons. Tu n'as pas l'esprit de Dieu sur toi. Auna na roho ya Mungu. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Mais regardez quand cet homme de Dieu fut loin. Tazameni wakati mtumishi wa Mungu Daudi alipakana na mafuta. Malgré qu'il était roi. Hata vile alikuwa mfalme. L'onction qui était sur lui. Upako ile kwa yule yake. Il était encore un chanteur. Alikuwa tena mwimbaji. Voyez. Unaona. Et quand lui chante. Wakati alikuwa anaimba. Wakati alikuwa anaimba. Wakati alikuwa anaimba. Le cantique. Ce bon cantique. Mimbo mzuri. Inspiré. Yenye usukuma na roho. Il chantait. Il alikuwa anaimba. Descendre l'esprit de Dieu. Et quand l'esprit de Dieu descendait, les démons qui étaient en sol, qui l'a quitté. Il quoi n'a m'toka. Sol se sentait soulagé. Est-ce que vous suivez? Quand l'onction de Dieu descendait, par les cantiques que David chantait, les démons qui étaient en sol, reculaient. Et sol se sentait sécurisé, se sentait soulagé. C'est ce que nous voulons. Douglas, c'est ce que nous voulons. Joy, quand la chorale chante, kwa il faut que la chorale chante de manière à faire descendre l'onction de Dieu. Avant que la prédication, Rome t'a catifou, a fungu la machikio, y'a va toto y'a moun, et va tous, dans l'âme ainsi que dans les corps. C'est vrai, frère. Voilà pourquoi nous aimons venir à l'église. Parce que ici, Dieu descend. Quand Dieu descend, c'est pour nous bénir. Quand Dieu descend, c'est pour chasser tous les démons qui nous tourmentent. C'est pourquoi vous verrez. Des fois, tu commences à te poser des questions. Cet esprit qui me tourmentait, il n'est plus en moi. Je ne fais plus ceci. On t'a même pas imposé. Il y a des démons qui sortent dans la présence de Dieu. Quand nous chantons, quand nous prêchons, quand nous prions, alors les chaînes de l'ennemi sont brisées. C'est vrai. Les esclaves, voyez, sont libérés. C'est vrai, frère. C'est pourquoi il faut chanter avec joie. Il faut chanter avec onction. Il faut que la parole de Dieu soit appréciée dans sa pureté. Car la parole de Dieu est la vérité. Ceux qui la croient expérimentent la délivrance. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Ils étaient prédestinés à cela. Regardez, je n'ai pas le temps d'en parler plus. Regardez les apôtres. Quand vous prenez Jean chapitre 15, maintenant il me reste quelques minutes. Prenez Jean chapitre 15. Je ne vais pas faire trop de commentaires ici. L'essentiel, vous avez entendu. Ah, c'est vrai. Jean chapitre 15. Yohane, sura 15, dans son verset 16, yake, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Aina mweye mulinichagua, mais moi je vous ai choisi. Alakini, ni mimi nalinichagua, et je vous ai établi na nalimiweka, afin que vous alliez ili mupate kuenda, et que vous portez du fruit mupate et que votre fruit demeure, na matunda enu idumu, afin que ce que vous demanderez au Père ili ili mutamomba baba, amono, mujina langu, qu'il vous les donne. C'est vrai, frère. C'est Dieu qui a choisi les apôtres. Quand vous prenez Actes des Apôtres chapitre 15, ça on parle de l'appel de Paul. Prenez. Actes chapitre 9. Matendo wa mitume sura yake ya 9. Dans son verset 15, yake ya 15, quand on est élu, wakati ile huku muteule, c'est pour accomplir une tâche spéciale, ni Dieu akutimiza kazi ya upeke, dans une consécration totale. Mukujitoa kabisa kabisa. Dans son verset 15, mstari ya 15, mais le Seigneur lui dit, lisez tous les chapitres. Sur la conversion de Paul, lisez tous les chapitres, je prends le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, c'est-à-dire dit à Anania, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu a dit la langue. Frère, Duku, quand Dieu appela Paul, wakatile Mungu alimuita Paulo, il a choisi alimuchagua comme un apôtre sawa mutume et un enseignant na mwalimu pour aller publier la lumière Dieu kutangaza nuru chez les nations kuba mataifa. C'était une tâche particulière. Il y a une case à upeke que Dieu avait confiée à Paul. Il est Mungu alimpatia à Paulo. Paul parmi les apôtres Paulo, katika sa vamitume, n'était pas comme des autres apôtres, non. Achukue sa vamitume vengine apana. Dieu l'avait suscité. Mungu alimulamusha. Il avait choisi. Alimuchagua. Il avait appelé. Alimuita. Il l'avait chargé d'une mission. Alimpatia kazi. Aller instruire. Na kwenda kufundisha. Les païens. Wapagani. Dans toute la vérité. Katika ukweli yote. Parce que les païens ne connaissaient pas Dieu, ne connaissaient pas la vérité de Dieu. Ils n'étaient pas dans la lumière. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Cette tâche d'aller vers les nations n'était pas confiée à Pierre, n'était pas confiée à Jacques, n'était pas confiée à Jean. Non, bien-aimé frère, c'était le travail spécial de Paul. Comme Dieu lui dit ici, voyez, j'étais choisi. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Comme les nations ne connaissent pas mon nom, lui, je l'ai choisi et il a pour tâche spéciale d'aller annoncer mon nom, d'aller révéler mon nom aux nations. Il sera devant le roi et les devant les fils d'Israël. Et je vais lui montrer comment il va beaucoup souffrir. Il sera consacré à cette tâche. Oui, bien-aimé frère. Quand vous prenez dans 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Timothée wa kwanza sura ya pili. Je prends seulement le verset 7 pour aller un peu plus vite. Na tu gwa tu musa. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur. Na juu yayo naliwekwa. Et apôtre. Na mutume. J'ai dit la vérité. Ni unasema ukweli. Je ne mens pas. Mimi si danganya pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Mwenye kutuika uzito ya kufundisha wapagano muimani na katika ukweli. Mon frère, nduku yangu, ma soeur, dada yangu, parmi les apôtres, katikati ya mitume, il n'y a que Paul. Ni paka tu Paulo. C'est l'unique que Dieu avait chargé, avait appelé, aliita, et il avait confié la tâche na kumpatia kazi d'aller enseigner la véritable foi kufundisha imani ya kweli aux nations, watu ya mataifa. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Et d'aller exposer toute la vérité de Dieu aux nations, watu ya mataifa. Quand quelqu'un wakati mutu prêche des enseignements anafundisha mafundisho contraire kwa kinyume aux enseignements de Paul, na mafundisha Paulo, c'est un faux prédicateur. Huyu ni mhubiri wa bongo. C'est vrai frère. Danganifu, ndio. Si un prédicateur, kama mhubiri fulani, un bishop, un prophète, mhubiri wa autorise aux femmes de prêcher, anaruhusu mwanamke kuhubiri, qu'il nous montre dans la Bible, atuoneshe en Biblia, où est-ce que Paul a-t-il autorisé aux Paulo femmes d'être prédicateur? Voyez-le, mes frères. On a tout compris. Si on baptise les gens, on enseigne les gens. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut nous montrer dans la Bible. Ni muntu kani dans la Biblia. Où le baptisa kamunjina la buana, jina la baba. Quel est cet homme dans la Bible qu'on avait baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? La véritable doctrine chez les nations a été enseignée par l'apôtre Paul. Ce n'est pas lui. C'est pas la charge, pas le ministère que Dieu lui avait donné. C'était une tâche spéciale que Dieu lui avait confiée pour que les païens soient éclairés. Kama kuko prophète mukanisa, si y a un prophète dans l'église, ou les qu'on a tabiri bantu, qui prophétise aux gens, oh, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Dada fulani, telle sœur, ni baba kuloka, maman kuloka, c'est ta mère, c'est telle qui t'ensorcelle. Si tu vends ta mataifa, nous sommes des nations. Et nous avons été enseignés par Paul. Na tulifundishi wana Paulo. Il faut où le monde est toi-même. Il faut que cette personne nous montre. Dans la Bible, dans la Bible, ni wapi Paul, c'est à quel endroit? Aritabiri mambo ya buloji yuri avant. Là où Paul a prophétisé sur la sorcellerie. Ouais bien mes frères. Na on a tout compris. Oui, bien, mes sœurs. Si une chose, un enseignement, ne se trouve pas dans les écrits de Paul, cet enseignement est démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu. Tout ce que Paul a prêché, c'est sur l'ordre, sur l'onction, sur l'autorité, sur le mandat que Dieu lui avait donné, et sur l'ordre de Dieu lui-même. C'est vrai, frère. Il ne pouvait pas apporter quelque chose de contraire. Non. Sa mission était d'enseigner tout ce qui était correct. Deuxième Timothée. Chapitre 1. Deuxième Timothée. Chapitre 1, verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Moi, je suis un abougito qui aux pagano. Toi et moi, nous sommes des païens. C'est vrai, frère. L'apôtre que Dieu a suscité avait suscité, c'est Paul, celui qui parle de la part du Seigneur pour nous donner des enseignements sûrs, vrais, la vérité de l'écriture. Oui, bien aimé frère. À part à tout le monde, moi, on a toqué au Kassai. Pas quelqu'un qui vient, je ne sais, du Kassai. À la toque, on a cachoué. Ah, on a bemba. Je ne sais, de bemba. Et qu'on a l'andalan d'avant. Il trompe aux gens. Oui, bien aimé frère. On a tout compris. Bile qu'on a sema. N'abile qu'on a poigna. A bile dans la Biblia. Il n'a pas de soubassement dans la Bible. L'église du Seigneur n'a pas droit de croire des choses qui ne sont pas dans la Bible. C'est vrai, frère. Dans Galates au chapitre 1. Vous voyez, quand vous prenez tous les chapitres, vous voyez. C'est pourquoi il pouvait dire, nous sommes en train de nous faire. C'est le verset 8 de Galates. Et le verset 9. Tout celui qui enseigne des choses. Une doctrine. Il est en bas pour la Bible. Ah, bah, va tout à Mungu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Dans le verset 15. Mais, lorsqu'il a plu, à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Que Dieu vous bénisse. Écoutez comment Paul dit. Musigilize namna kan Paulo anasema. Quand il a plu à Dieu. Wakati ni mupendeza Mungu. Il avait connu. Tangia mutumba mama yake. De lui révéler le fils. Na kunifunulia mwana wake. Nduku. Il n'a pas consulté quelqu'un. Asikulize mutu mukimwili. Non. Hapana. Paul lui. Paulo yeye. A été enseigné. Alifundishwa. Par Dieu lui-même. Na Mungu yeye mwenyewe. Les autres apôtres. Alaba mitume wengine. Ont été enseignés. Par Jésus dans la chair. Mais lui, Jésus s'est révélé à lui dans l'esprit et lui a enseigné. C'est pourquoi c'était sa tâche. Dieu l'avait élu pour accomplir cette mission. Et regardez dans la Bible. Et vous verrez comment Paul était consacré à cela. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, ma soeur, si tu es un élu, tu es destiné et consacré à une tâche particulière. Voyez, nous sommes qu'au début. Nous sommes qu'au début de ce qu'on dit sur l'élection. Parce que l'élection, c'est un grand sujet que chacun de nous doit comprendre correctement. Vous voyez bien, mes frères. Vous voyez bien, mes soeurs. Donc Dieu nous a élus. Si nous sommes élus, c'est-à-dire nous sommes destinés à des tâches particulières. C'est-à-dire nous ne sommes pas comme les autres. Il est tout à fait anormal qu'un élu commence à se comparer des autres. Non. Frère, si nous Atuna saba catholique. Nous ne sommes pas comme des catholiques. Si Atuna saba témoin de Jéhovah. Nous ne sommes pas comme des témoins de Jéhovah. Si Atuna saba en tant que groupe de prière. Nous ne sommes pas comme les gens. Atuna saba garengans. Nous ne sommes pas comme saba méthodistes. Nous ne sommes pas comme saba baptistes. Nous ne sommes pas comme saba pentecôtistes. Abana. Pentecôtistes, non. Si nous Tuko Biblia Russi. Nous sommes les pauvres du temps de la fin. C'est pourquoi ma funisho yetu ni akipeke. Na maisha yetu inapasha kuwa ya kipeke. Malako yetu ni akipeke. Parce que dans cet âge, bantu wakuzalikwa kwanja mwanamume na mwanamke batatoka mumwili batenda kumbini. C'est la promesse de cet âge ici. Et nous faisons partie de ces élus-là qui seront enlevés. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Donc c'est pourquoi maintenant, observez correctement votre vie. Observez comment tu marches avec la parole. Observez comment tu marches dans l'église. Regardez ton comportement quand la parole de Dieu est apportée. Quand les conseils. Quand les conseils de la parole te sont donnés, comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de tout ceci? Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Tout en délai à badaye. Mardi, on va continuer. Maintenant, chacun de nous comprend que être élu, quand on est élu, cela signifie que vous êtes destiné et vous êtes consacré à une tâche particulière, spéciale. Qui a compris? C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Tu sima me Dieu à maombi. C'est bien. Ni mozuri. Tu connais dans moi pole pole. Nous avançons doucement avec. Tu n'avais pas qu'à point comme moi, tu n'es qu'à clouer. Prenons un point. Comme la Église dans la tu n'avances. Si l'Église comprend, nous avançons. Comme mon bari kuista, c'est mon kumimbaji. Si Dieu t'a appelé comme un. Il faut qu'on consacre. Un choriste. Il faut que tu t'olées. Après, on a quoi pour il faut pas venir chanter ici pour avoir une femme à prendre un mariage. Il faut que tu sois consacré à ce travail de chanter. Tu marches dans la sainteté. On a pour que Dieu utilise ta voix. Pour que par ta voix, l'onction descende. À l'appel de Dieu. C'est ça être consacré. Awezi quoi consacré. Tu ne peux pas. Dans ta vie, il n'y a rien qui est manifeste pour lequel tu es consacré. Non, frère. Apananduku. Non, ma soeur. Apanadada. Nous allons en parler. Tout à l'heure, badaye. Amen. tous ensemble.